Je m'appelle Lucille, j'ai 22 ans et je suis élève à l'école supérieure du Bois en deuxième année. D'accord. Du coup, est-ce que tu peux me parler un petit peu de la poubelle sur laquelle vous travaillez avec ton groupe? Alors ce semestre, on travaille sur l'industrialisation d'une poubelle qui donc recyclerie présentée par les premières années en début de cours en Octobre. septembre-octobre. Et l'idée, c'est de d'être présent sur des festivals ou des vide-greniers, enfin être dans l'événementiel. Et faire une poubelle, enfin, on va appeler ça recyclerie attractive, pédagogique, dans le sens où on va réveiller un peu les consciences sur le tri sélectif, montrer qu'il y a plusieurs contenants, parce que plusieurs flux, et qu'on tout dans la même poubelle, c'est pas la réalité derrière. Donc nous, on est parti sur l'idée de faire un train avec pas mal d'animation, de manière à ce que ça crée un événement et qu'il y ait une interaction, ça fasse un lien social. Et on se fait plaisir dessus. Et à la base, c'était quoi la poubelle qui avait été faite en octobre? Alors à la base, ça n'a rien à voir. C'était une espèce de... Il y avait plusieurs tonneaux avec un totem en forme oui, d'arbre. Effectivement. Voilà. Et du coup, vous avez tout changé? On a complètement changé. Vous n'avez pas gardé d'éléments, je sais pas. On a gardé les... Non, on a changé, ouais. Vous tout changé. Et oui, on garde les festivals, ouais, comme les premières années. Ouais. Mais du coup, j'allais y venir. Alors, à quel public et quel espace ça s'adresse exactement et pourquoi? L'avantage de notre poubelle, c'est qu'elle est très, elle est très polyvalente. On peut être sur des vide-greniers, comme sur des festivals de métal ou classiques. Donc, ça s'adapte, on s'adresse à tout public. D'accord. Et en plus, elle est au niveau PMR, bon, c'est un petit peu au-dessus des 80 cm de la norme, mais c'est tout à fait accessible pour les personnes en fauteuil roulant, par exemple. D'accord. Et la dernière question, du coup, qu'est-ce qui va vous rester à faire maintenant que vous en êtes là? La construire. La construire. La faire, ouais. Et la présenter à l'école, et pourquoi pas la proposer à un organisateur de festival qui serait prêt à investir dans notre projet.